Je suis trop près du micro, merci. Donc, du coup, après avoir fait un atelier peinture, lettrage, on va vous proposer en fait un atelier d'écriture. Donc, en fait, le but, c'est, on a des propositions, enfin, Nuit Debout a des propositions, une centaine, c'est ça ? Ou il faut en arriver à 100 ? Et donc, c'est de travailler sur ces 100 propositions. Donc, on a un joli tableau où il y a marqué effectivement ces 100 propositions. Donc, ce que je propose, c'est peut-être commencer par des thèmes. Et c'est plus simple pour lancer des propositions. Puisque forcément, sinon, si on veut dire de lancer des propositions comme ça, il y a plein de choses qui vont arriver jusqu'à nous et ça risque d'être un petit peu au niveau hiérarchique un peu compliqué. J'ai cru comprendre qu'il y avait des propositions qui étaient déjà sorties. Donc si je peux avoir une feuille ou quelque chose. Ouais, vas-y. Celui qui parle dans le micro, il est censé donc au début attirer le cercle tout simplement en présentant les 100 propositions. Bah là, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5. Imaginons qu'aujourd'hui, ça soit un miracle. D'ici une heure ou deux, on soit mis d'accord sur 5 thèmes, comme tu dis, qui peuvent finir par être des propositions qu'on aurait formulées assez collectivement pour que tout le monde en soit content et puisse le revendiquer, sachant qu'il y a des sujets sur lesquels on risque de se bouffer le nez pendant 8 ans et des sujets sur lesquels on peut être d'accord en 5 minutes si on sait trouver les mots justes. Donc voilà, c'est ça l'atelier d'écriture collective. On est déjà quelques-uns. On peut. Ah oui, faut rester par là, c'est ça ? Ouais. Si je fais ça, c'est pareil presque. Tu sais écrire ? Ouais. Toi, quand tu réfléchis politiquement. Tu te dis qu'est-ce qu'il faut transformer dans la société pour qu'elle redevienne respirable. Tu mettrais quoi dans ces 1, 2, 3, 4, 5 priorités? Dans tous ces trois mots et tout, moi ce que je réfléchis, ça veut dire donc quand on donne cette proposition, ça veut dire déjà des 1, la nuit debout, on doit déjà se rassembler tous ensemble comme on l'a toujours fait dès le début. On va dire on est resté 7-6 mois. On était tous ensemble, mais ça va faire 2-3 mois. La nuit debout, elle est plus exactement ce que la vision de ce qu'on avait avant. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, on est un peu une petite minorité de la nuit debout. Donc, moi, ce que je propose, c'est que tous ces gens qui ont toujours été avec nous, qui ont soutenu la nuit debout, ceux qui ont fait des dons, même à ceux qui n'étaient pas bien dans ce qu'ils vivaient et tout, qu'ils reviennent et qu'on fasse la nuit debout. Bientôt, ça va être les élections. Donc ça va permettre de choisir vraiment un côté des gens qui soutiennent vraiment la nuit debout. Ça va nous permettre déjà d'avoir une idée de qui voter et qui pas voter. Parce que déjà, quand on voit... Tu en as besoin, je te le rends. Là, le sujet sur lequel on veut réfléchir ici, c'est des propositions sur l'avenir du pays, du monde, de la planète, tu sais, à l'échelle de nos enfants. Là, toi, tu parles, comment on va améliorer Nuit Debout ? C'est le sujet important. Peut-être on va le faire samedi ou dimanche prochain, puisque mercredi, on décide chaque mercredi du contenu des week-ends suivants, pas seulement le prochain, tous ceux à venir jusqu'à 2017 et au-delà. Donc je te rends le micro pour que tu nous dises si toi tu voudrais par exemple en priorité, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Sortir du nucléaire, sortir de l'agriculture chimique ou je sais pas moi, il y en a ils vont dire peut-être mettre la peine de mort, ça leur semblera, tu vois il y a des choses aussi qui vont être dures dans les propositions. Mais moi je suis plutôt sur des choses nues debout, c'est-à-dire écologie, choses comme ça. Bon, ben dans le monde, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on change tous et qu'on change vraiment. Ça serait par exemple, je donne un exemple, en disant par exemple, dans ce monde entier où on vit aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien déjà qu'il y ait une paix dans ce monde. Mais quand je dis vraiment une paix, ça ne sert à rien qu'on se prenne la tête dans ce monde pour des intérêts. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts où le monde, on s'intéresse plus à l'intérêt du pays qu'à la population qui vit des trucs qui sont vraiment durs. Parce que c'est nous, on vit des choses très, très, très dures, mais les hommes politiques, ils ne prennent pas soin de ce que nous, on veut vraiment vivre. Ça, on est tous d'accord ici. C'est le constat de ce que c'est invivable. C'est bien pour ça qu'on vient. Par exemple, là, il y a Gilbert. Lui, dans les choses qu'il m'a passées pour cet atelier, il a écrit des choses. Il y a des choses qui sont comme des simples slogans. Nos propositions, nos 100, 1000, peu importe le chiffre, mais là on est sur 100 parce que ça fait un beau. Ça peut être des simples slogans dans le genre sortir du nucléaire, ça peut suffire sans expliquer pourquoi, ça serait déjà beau de se mettre d'accord qu'au moins ça c'est. Hein. Ça peut être sortir du nucléaire en 5 ans et en disant comment si on peut parce qu'on a des jurys citoyens pour le faire. Moi, je mettrais dans les 100 propositions, par exemple, dans les 5 premières, en priorité, je parlerais forcément de la Constitution. Parce que dans les propositions, il peut y avoir des articles de loi d'une Constitution qui va venir, puisqu'on veut la changer. Je veux bien passer le micro à Antoine sur ce sujet. Mais je vais lire la proposition de Gilbert. Je pourrais prendre autre chose qu'une proposition de loi. Hein. Moi, je suis pas pressé de faire des lois, loin de là. Tu peux prendre ça, qui était ce qu'on avait mis. Ouais. C'est ton ordi. Donc sur démocratie, il y avait quelques thèmes qui avaient été mis en avant déjà sur les propositions. Donc la première, c'était faire une nouvelle constitution avec une assemblée constituante de citoyens. Donc ça, c'était la proposition des constituants. Alors je ne sais pas si tu veux la noter. Ça a déjà été validé dans une assemblée. Voilà. La deuxième proposition démocratie. Que nous on portait d'autres, c'était mettre des jurys citoyens tirés au sort pour juger toutes les lois et les budgets avec un avis impératif. C'est-à-dire que les citoyens jugent, mais leur avis est obligatoire et les politiques peuvent pas faire autre chose. Il y a une autre revendication Nuit debout, c'était de reconnaître le vote blanc et refaire les élections si le vote blanc est gagné avec des nouveaux élus. Ça, c'est le vote blanc. Après, il y a d'autres revendications qui était dans le cahier de doléances, c'était le non-cumul des mandats intégral, bon, qui était demandé en général, hein, que les élus soient... Alors, la nouvelle constitution, si tu veux. Le vote blanc. Les jurys citoyens. Le non-cumul des mandats intégral. Il y avait la limitation des mandats dans le temps qui avait été étudiée sur la place, c'est-à-dire qu'un maire, c'est 2 fois ou 3 fois, mais c'est pas 5 fois. Donc limiter les mandats des élus dans le nombre de mandats d'élus, en fait. Il y avait une autre proposition... C'était le casier judiciaire vierge des élus. Tu sais, le casier judiciaire vierge qui était aussi dans les propositions. Casier judiciaire vierge. Bon, en tout cas, c'est une proposition. Et il y avait une autre proposition, c'était de faire des référendums réguliers. Après, il peut y en avoir d'autres sur la démocratie. Hein. C'est ce que j'avais noté. Merci. Du coup, c'est vrai que on entre bien dans le sujet parce que pourquoi on fait cet atelier aussi ? C'est parce qu'il va y avoir des grands concerts sur cette place. Des grands concerts de musique. C'est-à-dire. Hein ? Oui, pardon. Non, mais je veux dire, ça va pas être des concerts spécialement politiques, forcément dans leur contenu. Par contre, c'est ce qui va permettre, je suppose, de remplir à nouveau cette place telle qu'on l'a connue à certains moments du mouvement Nuit Debout. Et le projet de ces concerts, c'est d'associer chaque concert à une de ces propositions. On n'a pas besoin d'avoir les 100 propositions pour commencer les concerts. Il suffit d'une sur laquelle on est d'accord et qu'on a su écrire les mots. Donc au-delà de lister l'ordre des priorités ou le... Je propose plutôt de choisir un de ces trucs-là, vote blanc, nouvelle constitution, jury citoyen, et de travailler, ça sera ça, ces ateliers d'écriture collective, auxquels moi je participerai le temps que je serai à Paris, longtemps. C'est de trouver les mots justes pour un petit, ce qu'on dit, comment dire, un pitch, un paragraphe court. C'est ce que vous faites là, hein, déjà avec Duke Pop, non ? Voilà. Un paragraphe court. Là, on est assez nombreux pour écrire un paragraphe court et dire à la fin, ouais, d'accord, ça va. On a changé assez de virgules, on a évité les mots qui nous fâchaient. C'est pas si dur, moi je sais qu'on va y arriver sur au moins quelques propositions. Et les 100, je crois que ce sera... D'ici 2017, on aura les 100, c'est sûr. Donc je propose, plutôt que l'ordre des priorités qui était une connerie de ma part, je propose, sur le gros tableau, de commencer à écrire... une proposition qui ne sera pas forcément la priorité, mais soit le vote blanc, soit la nouvelle constitution, jury citoyen, non cumul intégral, limitation des mandats dans le temps, casier judiciaire vierge, référendum régulier. Rien qu'en examinant ces sujets-là, on voit qu'il y en a qui vont nous prendre plus de temps que d'autres. Première position. Nouvelle constitution. C'est vrai que si on réfléchit encore sur l'ordre des priorités, moi aussi je mettrais ça. Je suis de quel parti, moi perso ou nous ici ? Qui ? Qui de je suis quel parti ? Bah moi je suis pas de parti. Je suis mouvement Nuit Debout et encore je suis plutôt Occupy République perso. Mais du coup c'est Nuit Debout. Non, pas de parti, moi j'ai même pas de religion hélas. Vous avez besoin du micro, monsieur ? Vous avez besoin de parler ? Je peux vous donner le micro si c'est pour dialoguer. Non, je pose question. Vous êtes de quel parti ? Et vous bossez pour qui ? Et vous votez pour qui ? Et de quel intérêt que vous êtes ici ? Ça, par contre, c'est une question de quel intérêt je suis ici. On pourrait la poser à beaucoup de monde ici, y compris moi, bien sûr. Ça, c'est une question. Il n'y a pas un feu sans fumée. Arrêtez de... Bon, je ne sais pas trop ce que vous me reprochez personnellement, mais personnellement, je dois synthétiser le... Ce n'est pas le sujet de l'atelier, donc tu nous trolles là. Mais par contre, personnellement, je pense que mon intérêt principal ici, c'est que j'ai une petite chance d'améliorer justement la Constitution. Donc moi aussi, je le mettrai dans les priorités. Et on peut déjà rentrer dans la formulation de ça, si c'est un sujet... Est-ce que tout le monde... veut se lancer dans... Enfin, personne met d'opposition radicale. Je peux pas tenir le micro et écrire en même temps. Moi, je veux bien écrire. Qu'est-ce que tu préfères ? Moi aussi, j'en sais rien. Bon, si tu veux écrire, vas-y. Moi, je voulais dire juste par rapport à... Justement, faire une nouvelle constitution, il faut savoir qu'il y a eu énormément de choses déjà qui ont été faites par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il faudrait repartir au début pour écrire une nouvelle constitution ou reprendre déjà tout ce qui a été proposé par différents collectifs, que ce soit Nuit Debout ou ailleurs ? Et par rapport à réécrire une nouvelle constitution, ce serait pas forcément la réécrire qui changerait, qui serait l'élément fondamental, ce serait surtout qu'elle soit appliquée. À la fin, c'est ça qu'on devrait demander, que la nouvelle constitution écrite par les citoyens soit appliquée. Alors, constitution, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par la commission constitution. L'objectif de la constitution, c'est que la constitution soit faite par les citoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, les projets de constitution et de constituante, c'est de faire une assemblée constituante de citoyens tirés au sort. Peut-être avec des volontaires, mais en tout cas que ce soit une constitution faite par les citoyens qui reprenne les thèmes dans un mode citoyen, éventuellement par des process éducation populaire, etc. Pour après, en fait, La proposition de constitution citoyenne, c'est une phase 1 de consultation citoyenne populaire à 1000 jurés citoyens tirés au sort sur une journée. Et après, c'est des process où ça doit passer par, par l'État qui éventuellement fait une assemblée constituante soit de voter, soit de gens élus, soit de gens tirés au sort. Mais en général, c'est plutôt des grands électeurs parce que la réalisation de la constitution, c'est quelque chose qui va prendre 3 mois, 6 mois. Et après, pour arriver à la constitution. Voilà, donc Nuit Debout, tout le monde est d'accord pour pousser la nouvelle constitution, mais plutôt avec des citoyens tirés au sort, par rapport à d'autres projets qui existent. Hein. Il y a des projets politiques hein, qui sont portés par des partis, etc. Mais donc, en fait, je pense que Nuit Debout, c'est intéressant de le mettre en premier pour aussi sensibiliser les gens, parce que c'est pas un thème qui est très fort dans la politique. On se rend compte à Nuit Debout, c'est que en fait, tout part de là, c'est-à-dire que tout est bloqué par les problèmes institutionnels. Le 49-3, le surprésidentialisme, et qui fait qu'on étouffe. Donc passer par la Constitution, ça pourrait être un moyen de rebattre les cartes, d'éviter d'avoir les lobbies et de pouvoir mettre le citoyen à tous les niveaux, quoi. Donc ça, c'est pour un peu préciser la Constituante. Ce qu'on peut faire, nous, à Nuit Debout, c'est éventuellement la phase 1 de la Constitution citoyenne. Si on arrive à se regrouper sur les 300 Nuits Debout de France ou avec d'autres collectifs, je pense que début 2017, quoi, ce serait une opération intéressante, c'est de faire 1000 jurés citoyens tirés au sort pour refaire la Constitution avec une centaine d'ateliers thématiques sur les différents thèmes de la Constitution. Tu coupes la Constitution en micro-thèmes et chacun va travailler sur un thème. À ce moment-là, on fait un avis citoyen, quoi, quelque chose des citoyens qui dit bah voilà, par rapport à tel thème, nous on veut ci, nous on veut ça, et évidemment qu'il faut qu'ils soient aidés par des gens pour faire cette partie-là. Mais ça, c'est faisable au niveau de la constitution citoyenne, et je pense que c'est pour ça que c'est bien de le mettre en un, et c'est de dire nous, on pourrait, les citoyens, démarrer le process, comme ont fait les Islandais. Hein. Les Islandais ont fait ça en 2012. C'est pas passé, ça va peut-être passer maintenant. Mais c'est une initiative citoyenne qui a fait le changement de la Constitution. Voilà. Mais tout à fait. Hein. Je suis pas du tout contre l'idée, mais simplement, du coup, si faut qu'on le mette dans les propositions, pour que ce travail-là ne soit pas fait pour rien, comme il a déjà été fait plein de fois par les citoyens constituants, par exemple. Enfin bon, j'ai cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est peut-être pas le meilleur, d'ailleurs. Ça a été fait aussi dans différentes Nuits Debout, etc. C'est dans les propositions, faudrait mettre que cette constitution faite par les citoyens sera appliquée. Parce que sinon, on peut en effet écrire une constitution, mais si elle n'est jamais appliquée, bon, on y aura déjà tous réfléchi, ce sera bien. Mais voilà, ce serait encore un épuisement. En fait, la constitution n'a pas été écrite par personne jusqu'à présent. C'est-à-dire que les expérimentations des ateliers constituants, c'est plutôt de l'éducation populaire pour dire qu'on est capable nous-mêmes de faire la constitution. Donc ils font pas la constitution, en fait. Ils font des articles, un peu comme à Duke Pop, et ils s'entraînent à rédiger des articles de la constituante. Mais ils n'ont pas, pour l'instant, le projet de le faire en global. Il n'y a pas d'initiative aujourd'hui de reprise de la constitution française citoyenne, ni dans les Nuits Debout, ni chez les ateliers constituants. Voilà. Eux, ils sont plutôt à essayer de convaincre les gens que c'est possible et qu'il faut le faire. Donc on est toujours dans une phase plutôt de sensibilisation oui, on peut le faire nous-mêmes. Voilà. Pour les personnes qui écoutent, hein, n'hésitez pas à participer. C'est bien entendu, comme toujours, ouvert à toutes et à tous. Donc vous levez la main et puis je vous donne la parole. Camille, tu voulais dire quelque chose ? Oui, mais je ne suis pas pressé de le dire et Bruno est là. Bon, je vais directement commencer par foutre un petit peu le bordel. C'est très bien de revoir la Constitution, c'est très bien de revoir tout ça. Ça va être essentiel, ça, il n'y a aucun problème. Malheureusement, je fais partie de ces gens qui pensent que c'est... trop tard pour que ce soit une priorité, parce qu'il y a quelque chose qui est plus urgent avant. Il y a entre autres tous ces problèmes écologiques où on est arrivé dans un mur complet. Et revoir la Constitution, penser ses projets, c'est considérer que c'est un monde où on pourra encore continuer à vivre. Et là, malheureusement, c'est un peu trop tard. Et donc, moi, en priorité, ce serait plutôt de passer à des solutions écologiques comme en proposer donc la dénucléarisation. L'abandon du nucléaire, la désindustrialisation, l'agrodynamie, l'agridynamie aussi, c'est encore un autre système. Priorité, ce serait déjà de penser à ça, parce que là, on va dans le mur, au niveau global. Ok, est-ce que quelqu'un souhaite rebondir là-dessus ? parce que j'ai peur que ça siffle ce micro, ce truc. L'ordre de priorité, mine de rien, c'est si on est à Nuit Debout, c'est important de ce, dans ce qu'on affiche, parce que ça va être des propositions de Nuit Debout Paris. Effectivement, comme disait Antoine, on va converger peu à peu, j'espère, de ville en ville. On est là sur des années, hein, et imaginez bien des années devant nous, de travail, d'écriture collective. Voilà, non, les thèmes, de toute façon, on peut reprendre en mieux. J'ai un autre panneau qu'on peut sortir et remplacer celui-là. Ça sera sans doute plus... Mais il fallait bien commencer. Moi, ce que je voulais dire, c'est que oui, la Constitution, c'est un peu casse-gueule, Adèle. T'as raison. C'est-à-dire que c'est un sujet glissant, parce qu'on sait, on se dit on va jamais y arriver. Ça fait on n'ose pas avoir cet objectif, parce que c'est pas facile de penser que ça sert à quelque chose de bosser, nous, sur des ateliers constituants. Mais là, c'est pas des ateliers constituants. Ce que j'entends, moi, par exemple, ce que j'espère de ces ateliers, c'est qu'on arrive à des formules courtes, comme ce que je vais vous lire là, que j'ai préécrit, moi, qui concerne la Constitution. Si on se met d'accord, on est OK, Constitution, OK, allez, on écrit dessus, on dit qu'est-ce qu'on veut à ce sujet, qu'est-ce qu'on est capable de dire, virgule après virgule, ensemble, sur quelques phrases. Moi, je propose, nous voulons écrire une Constitution qui empêche toute possibilité d'oligarchie. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-nations qu'un peuple écrira lui-même les règles du jeu. C'est en fait jamais arrivé à ma connaissance. Donc on n'est pas sûr que ça puisse arriver, c'est vrai, mais moi je me bats pour ça. Juste dire ça, si ça on est capable de le dire, alors là on est capable de monter un très gros concert juste sur la Constitution. Mais personnellement, sortir du nucléaire, ça me parle, et je vais ajouter ma priorité à moi. Le thème, c'était l'écologie, le problème écologique. Sortir du nucléaire n'en est qu'un seul point. Vive la vie! J'ai cité plusieurs trucs. Il y a la désindustrialisation, il y a la gridynamie, là tout de suite, j'en ai pas trop qui vient en tête, mais il y a d'autres personnes qui pourront en proposer d'autres. Il y a l'être humain qui est là, c'est tout, on s'en fout. Ok. On peut parler d'écologie, hein. Où est-ce qu'il est, Bruno? On va faire un peu la liste de ce qui avait été dit par écologie sur les thématiques qui t'ont rajouté. Donc sur écologie, la commission écologie disait arrêt inconditionnel des pesticides. D'accord. Elle disait également basculer vers les énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles. Quoi, tu vois, faire la transition vers les énergies fossiles. Elle disait ne plus financer de nouvelles installations nucléaires, donc sortir du nucléaire. Et elle disait aller vers l'agriculture biologique non chimique, qui est un petit peu la même chose que l'interdiction générale des pesticides. Et arrêter les publicités aussi, quoi, d'avoir limité les publicités en ville et partout, quoi. Voilà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ulysse. Et donc, je crois qu'on se bat sur un faux problème. Et c'est intéressant, puisque les priorités sont importantes, mais les principes sont aussi importants que les priorités. C'est juste un problème de travail en coordination. Autrement, on perd l'occasion d'une certaine cohérence. Et le fait que c'est un problème, au contraire, c'est quelque chose de positif, parce qu'en avançant sur un front, on avance sur tous les fronts. L'essentiel, c'est au départ être assez unis dans le travail pour communiquer. C'est un problème de communication. Autrement, la priorité contre le nucléaire, la priorité des principes de base d'une constitution, des priorités d'ordre éducatif, etc. Tout ça, si on commence par les principes, disons, mettre les bases, si on commence par les commencements, tout simplement, hein, on peut avancer sur différents fronts. Évidemment, il faut assez de monde pour qu'ils s'occupent et conduisent un travail d'ensemble. Voilà, et donc le problème de la priorité est dépassé. Voilà, c'est mon avis, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et merci de m'avoir écouté. Voilà, merci. Oui, je voulais rebondir sur une phrase de Antoine qui parlait du fait que ce travail autour des de la Constitution était surtout un travail basé sur un apprentissage de faire ensemble, encore, c'est-à-dire s'apprendre à essayer de faire ensemble. C'est vrai qu'à travers, enfin, pour moi, à travers les actions qu'on mène ou les réflexions qu'on a ou les points qu'on va déterminer, effectivement, ces points, il faut les considérer comme quelque chose qu'on va créer, sur lequel on va œuvrer, hein, sans des œuvres à mener, quoi, sur la Constitution, sur le nucléaire, sur l'agriculture. Mais il faut aussi toujours considérer ce concret sur nous-mêmes à essayer de faire ces œuvres. Il ne faut pas seulement considérer l'œuvre créée, mais il faut considérer ce qu'elle crée sur nous à les mettre en place et à les faire ensemble, quoi. J'ai un petit souci avec la notion de proposition. C'est pour ça que je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas dans ce que je viens de dire. Est-ce que ce sont des propositions à mettre en œuvre dans la société, ou est-ce que vous parlez aussi de propositions qu'il faudrait que nous on mette en œuvre ici? D'accord. Oui, oui, c'est vraiment au niveau de... Ça pourrait être comparable, parce que certains vont dire, oh là là, quelle horreur, ils vont me dire, mais monsieur, vous êtes là, à quel titre? Ça pourrait être, vu qu'on a un timing qui nous est imposé par l'État-nation, qui sont des élections, qu'elles soient un piège à con ou pas, 2017, pour 60 millions de Français, c'est quand même une date qui scande notre réflexion, notre... Comment on dit, notre réflexion collective. Là, on est juste à Nuit Debout, mais Nuit Debout Paris, donc c'est sans proposition pour Nuit Debout Paris, sachant que toutes les villes ont déjà, il y en a, Nice, ils ont déjà mieux avancé leur travail, mais des propositions de Nuit Debout pour la société. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Seb? Sortir de la misère. Tu veux venir l'écrire, s'il te plaît? Mais tu vois, voilà, tiens, puisque ça peut être un débat, avant de l'écrire, parlons une seconde, reste là, t'aimes parler. Et tu vas pas vider la salle cette fois. Sortir de la misère, ça fait longtemps que tu le dis, on veut tous sortir de la misère, mais là on est sur des propositions où on a besoin de voir à peu près comment on va faire. Oui, je sais, mais j'ai le droit d'être un peu de rentrer dedans avec Seb, qui me fait cette bise là tous les matins. Bref, dis-nous comment tu veux sortir de la misère et comment on pourrait le mettre dans des mots qui, moi, me conviendraient. Qui serait un peu, je me dis, tiens, ouais, ça, on va y arriver. Alors, déjà, sortir de la misère, c'est d'une, avoir une solidarité humaine, principalement. De deux, c'est d'avoir une connaissance, d'apprendre à connaître quelqu'un en le regardant dans les yeux, et de se dire, même s'il n'est pas de mon échelon, bah, voilà, il est comme moi, c'est un être humain, c'est-à-dire, on revient sur l'être humain en lui-même. Alors moi, par rapport à sortir de la misère, suite au tract que j'ai créé avec quelques amis de PCA, je vais être vite fait, je vais dire quelques points qu'on a dit. Bon, il y en a 6 au total, mais j'en connais à peu près 3 ou 4. Dont le premier point, c'est égal à non à la répression de l'État, non aux expulsions. Le deuxième point, c'est oui à la réquisition de logements vides, décret de 45. Avec obligation de rester dans les lieux tout le temps. Il y a un point aussi qui est d'avoir une adresse fixe pour pouvoir avoir des soins gratuits et avoir une réinsertion, et en même temps de pouvoir scolariser enfants ou personnes migrants à des cours scolaires, que ce soit anglais, français ou n'importe quelle langue. Il y a aussi sur la loi de travail, c'est-à-dire la loi de travail, c'est de dire non, du moins de dire au patron de nous donner 10% aux personnes dans la misère, comme il le donne 10% aux personnes handicapées au niveau du travail, et de augmenter un petit peu plus haut, un petit peu plus tard, c'est-à-dire d'ici, moi je donne à peu près pour ça, je donne un petit moyen de aller 5 à 10 ans maximum. Voir si on peut y aller même pour 5 ans maximum, ça serait parfait. Il y a aussi le droit juridique pour les personnes qui n'ont aucun moyen et qui se font souvent emmener en garde à vue pour des jugements de violence dans la rue, parce que voilà, on est les premiers sensibles. Alors bon, c'est, ça revient sur la répression policière, mais c'est surtout de dire stop au gouvernement capitaliste et de pouvoir retrouver un mouvement simplement de solidarité humaine et de solidarité sociale principalement. Le portefeuille derrière, c'est rien du tout, c'est que de la caillasse. Ce que vous avez à la maison, la télévision, votre lit, votre matelas, les ceci, les cela, c'est que du matériel. C'est-à-dire vous n'allez pas l'emmener dans votre souterrain plus tard. Moi, pour moi, le souterrain, je l'ai là. Je vis dessus sur le souterrain. Le bitume, c'est la principale des choses qui a été créée par le maître homme humain. L'homme humain a créé ce bitume. Mais quand vous allez dans les campagnes pour respirer autre chose, bah derrière, vous respirez vraiment la nature. Et c'est encore ça qu'on demande. C'est un privilège sur l'écologie. L'écologie, c'est important, c'est la nature, c'est ce qui nous fait vivre. Voilà. Alors, vous avez, c'est un point technique ? Un point sur, oui. Bonjour, vous savez tous que il y a eu pendant toutes les manifestations de la loi travail énormément de gens blessés, que la police avait des ordres de blesser, de tirer dans les yeux, qu'elle a fracturé la mâchoire de jeunes devant leur lycée, que le 15 septembre, il y a encore un copain de Sud, mais peu importe d'où, c'était un manifestant qui a perdu un œil. Donc je voulais vous parler de deux initiatives. Il y a une initiative que je n'ai pas pu amener, les modèles de lettres, qui est sur le site Policiers Citoyens. Il y a quelques policiers de la CGT Police, il y a quelques policiers, et des citoyens, essentiellement des désobéissances, et ça peut être n'importe qui, moi je viens de le faire, mais il faudra que je leur fasse, j'ai oublié de joindre la photocopie de ma carte d'identité. Vous pouvez faire une lettre, et vous trouverez les modèles, la prochaine fois je les apporterai. Lettre commandée à la Cour de Justice de la République. N'oublie pas, il y a un atelier. Oui, mais c'est vachement important. Ben moi aussi. Donc, ces lettres recommandées à la Cour de justice de la République, à Manuel Valls, à Bernard Cazeneuve et à... Je pense que ça a à voir avec la démocratie. Et à Valls, leur disent qu'ils n'ont pas le droit d'attaquer notre vie dans les manifestations. Et la deuxième chose, je vais être très rapide. Les 19 et 20 octobre à Amiens, la CGT Goudir... suite à un grand meeting à Tolbiac jeudi qui a rassemblé un millier de personnes victimes de violences policières, des jeunes de banlieue comme des syndicalistes, ils vous appellent à aller à Amiens pour 5 euros aller-retour, les cars sont à réserver et je pense que ça a à voir, et excusez-moi d'avoir été un peu longue mais c'était un peu important, merci encore. Je vous en prie, en effet on en parle souvent en assemblée de coordination de ce départ à Amiens d'ailleurs, donc ça circule à Nuit Debout bien sûr. Seb, tu avais un... Je vais rester assis hein, si ça ne vous dérange pas. Du coup, j'étais un peu pour aller un peu dans le sens, moi la constitution, je suis carrément pour, hein, pour faire des ateliers, pour qu'on, bien sûr pour qu'on écrive une nouvelle, une constitution qui corresponde à toutes nos attentes. Sauf que effectivement je suis plus j'essaie d'être plus dans le concret, c'est-à-dire dans ce qu'on peut créer tout de suite pour changer le système de l'intérieur, en fait, enfin en tout cas comment on peut lutter tout de suite contre ce qu'on veut pas sans attendre justement les institutions. Et du coup par exemple il y avait un sujet qui a pas été dit et que du coup je vais balancer, c'est l'éducation, en fait. Je sais pas, pour faire une proposition tout simplement assez simple, mais c'est juste de. En fait, c'est déjà possible, il y en a qui le font déjà, ils appliquent des pédagogies complètement différentes de ce qui est demandé. Et donc, tout simplement, d'appliquer autant que possible des pédagogies qu'on veut, sans suivre les ordres des ministères de l'éducation, etc. C'est une proposition toute simple, mais en tout cas, pour mettre dans les thèmes, je pense que l'éducation, je voulais juste qu'on écrive éducation quelque part. Voilà, c'est, je pense que ça me paraît aussi prioritaire. C'est tout. Et si je devrais prêcher pour ma paroisse, j'avais envie de dire aussi que... il faut de l'éducation populaire partout, quoi, en fait, hein, mais ça, on l'a déjà dit, en fait. Une proposition... C'était de sortir de la compétition en politique. Sortir de la compétition en politique, c'est-à-dire que, à mes yeux, aujourd'hui, la politique est devenue une affaire de compétition entre des partis, une gauche et une droite, que ça fait du spectacle, que ça fait on est plus dans la destruction de l'autre que de la construction d'un projet de société. Donc, l'une des propositions que j'aurais souhaité faire, ça aurait été sortir de la compétition politique et de cette logique de destruction de l'autre plutôt que de construction d'un autre monde. Et pour aller dans ce sens-là, du coup, j'aurais envie de rajouter sortir de la personnification aussi dans le politique pour que les personnes soient élues sur leur programme et que ce soit pas un combat entre deux égaux ou entre plusieurs égaux d'ailleurs. Mais voilà, que ce soit pas du tout personnifié les débats et que peut-être même on puisse imaginer que... alors là, du coup, je sais pas si c'est possible demain, mais qu'il n'y ait pas un candidat à la présidentielle, mais un groupe de personnes qu'on élit sur leurs arguments. Donc déjà, ça dépersonnifierait les débats. On pourrait rajouter là-dessus une obligation à ce que les personnes qui font partie de, voilà, par exemple, ce groupe qui représente ce parti, qu'elles soient obligées d'être, quand il y a des émissions, enfin des interventions médiatiques, qu'à chaque fois, ce soit une personne différente du coup de ce groupe qui y aille et qu'elles aient toutes un temps de parole équivalent. Ce qui ferait que ça pourrait pas du tout être personnalisé du coup. Non, dans les partis. Ah, dans les partis. Politiques. Non, non, je suis pas du tout dans le debout là. Non, non, je suis dans la société, je respecte le thème. Hein. Donc, voilà, plutôt qu'il y ait une personne qui soit élue à la présidentielle et que du coup les débats soient à chaque fois entre ces personnes potentiellement élues, qu'il y ait un groupe en fait à la place d'une personne et que du coup, quand il y a aussi des débats médiatiques. Par exemple, entre deux parties, du coup, qu'il y a à chaque fois une personne différente de ce groupe qui y participe, pour pas qu'il y ait une personnification du politique, du coup. Voilà. On va voter pour toi. Non. Ben non, je veux un groupe, donc ça pourra pas être moi. Pourquoi pas, on maintient des histoires d'élection, on aura besoin de gens qui s'y collent. On votera pour toi. Mais c'est pas le sujet de se voter, là, on est juste sur écrire. Non, mais pour elle, c'est elle. Ouais, d'accord. Seb, moi je reviens sur le logement de Seb et puis après sur c'est là on a vachement, moi je trouve, avancé. Je regrette pas d'avoir mis ce panneau là. Il est encore là, Seb? Merci. Logement, t'as tout bien dit, bien sûr. T'as dit sortir de la misère. Si j'écrivais sortir de la misère, bon, on est tous d'accord et on me voit. Logement, c'est précis. Et donc c'est moi, je veux j'espère des propositions sur des trucs précis. Logement, c'est vaste mais quand même précis. Et moi j'ai ajouté pour. Parce que on va pas juste décrire logement. Comment on pense, au-delà de toutes les mesures que tu as proposées, sur lesquelles vous avez travaillé, qu'on va essayer de restituer le moment venu, dans des textes plus ou moins longs. Mais là, moi, je veux des trucs super courts où on se prend pas la tête. Mais peut-être que sortir de la misère, ça implique de repenser, peut-être qu'à Nuit Debout, il y aura une majorité de ça, d'accord là-dessus, de repenser le système de propriété et de transmission de la propriété. Donc en rapport direct avec le logement, on ne dira pas le contraire, et que donc ça concerne la Constitution. Néanmoins, la Constitution c'est un tellement gros chantier que si on a des propositions très claires là qui... Justement, ça va nous aider à penser dans la Constitution ce qui concernera le logement et qui sera important. Je vais te donner le micro, Antoine. Je veux bien marquer pour acquisition... Acquisition, t'as dit ? Réquisition. Je marque tout ce qu'on me dit sans problème. Ok, réquisition sans... Oui, oui, mais c'est un vieux terme. On n'est pas très novateur. Faut qu'on le fasse. Et ça, voilà. Alors, du coup, attends, j'ai pas fini. Sans proposition, qui d'autre, je sais pas, c'était toi qui disais pour maintenant, pour quand. Sans proposition, c'est vrai qu'on peut en faire à l'infini des propositions et des ateliers. Si on y prend plaisir, ça va. Mais si on est frustré de pas arriver à un changement de société, ça va pas. Donc, pour maintenant, pour quand. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour une société dans 40 ans ou c'est des changements qu'on peut appliquer maintenant? Parce que typiquement sur la propriété, on pourrait imaginer qu'on enlève toute la propriété sauf la propriété par exemple des corps. Ça, on va pas pouvoir le faire maintenant. Il y a tellement un truc qui nous prendrait 50 ans. Donc est-ce que ces propositions, ces 100 propositions, c'est pouvoir les appliquer par exemple en 2017, ce qui déjà va restreindre un petit peu le cadre, qu'est-ce qui est faisable maintenant? Ou est-ce que c'est à très très long terme? Ce serait déjà peut-être pas mal de faire sur en 2017. Je crains que tu ne coupes notre conversation. Vous parlez sur l'application, mais vous êtes qui, vous, s'il vous plaît? Vous parlez sur l'application, vous appliquez les problèmes des gens, vous êtes qui en personne? C'est là, hein, c'est de ce côté-là que ça se passe. Hein. C'est de ce côté-là. Aïe, aïe, aïe, elle est rien. Non, mais là, tu peux parler. Hein. Là, tu peux parler. On t'écoute? Vous avez un poids. Fais doucement. On est des êtres humains et des citoyens pour certains. Mais là, tu nous trolles. Je veux bien donner le micro si t'es constructif. Si c'est pour, tu vois, dire, de regarder dans les yeux en disant des choses qui font peur, faut pas le faire. Non, s'il vous plaît. Alors d'accord. Il parle sur les applications. Il l'applique. Il parle aux gens. Les promotions. Et il propose. Vous êtes qui? Vous êtes élu avec qui? Vous êtes responsable. Vous avez une responsabilité. Vous travaillez avec les responsables. Vous travaillez. Vous êtes maire. Vous êtes un. Vous, je sais pas moi. J'ai compris votre question. Vous voilà. Voilà. Question. Voilà. Voilà. Vous vous donnez. Vous, bah oui. Vous appelez. Vous appelez. Tout le monde veut que tu rendes le micro. Je crois que j'ai compris votre question, monsieur, si gentiment posé. C'est vous êtes qui, genre, ça veut dire, finalement, vous allez rien faire, quoi. De toute façon, vous êtes rien, puisque vous connaissez même pas les banquiers, vous connaissez pas l'État, vous avez pas le 06 des gens qu'il faut. Bah oui. Et c'est pour ça qu'on se réunit. Parce que le nombre, je sais pas combien on est là, mais de toute façon, ce sera notre seule force. Bon, on va pas discuter là-dessus, puisqu'on est sur du, j'espère, assez concret, quand même. Pour maintenant ou pour quand? Je veux bien le rajouter à laïcité, mais on va pas le faire jusqu'à minuit, donc je sais pas à quelle heure on doit arrêter, vers 18h30. Pour maintenant, mais parce que il y a, par exemple, le logement, c'est très simple. On peut réquisitionner maintenant. Ça, c'est facile, il n'y a plus qu'à le faire. En tant que nu debout, j'entends. Par contre, là, sans proposition, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce rythme dont je parlais tout à l'heure, de la présidentielle, parce que c'est pas nous qui faisons les mouvements sociaux, ils se font tout seuls. Donc après les élections, les gens seront tellement mécontents qu'il va se passer des trucs avec beaucoup, à mon avis, ça c'est mon avis. Donc d'ici là, si on a bien travaillé, on aura des choses claires et lisibles en tant qu'occupation des places. Voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose? D'accord. Je voulais revenir sur la question du pour quand. Dire pour quand. Pour quand par rapport à la au niveau des objectifs, hein. Aujourd'hui on a les capacités de soumettre au décret du gouvernement, quoi. Aujourd'hui le gouvernement il a décrété la loi travail, et puis aujourd'hui c'est voilà, les décrets d'application ils entrent en vigueur. Et puis on va connaître les conséquences dans les entreprises et dans la société. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités d'imposer une augmentation de 50 euros des salaires pour tous. Hein, on n'a pas les capacités d'imposer 3% d'augmentation du SMIC. Bon, mais on pourrait avoir les capacités, d'une révolution. Et il s'agit de construire ces capacités politiques. On pourrait avoir les capacités, effectivement, d'assurer à chacun le logement et la propriété d'usage du logement. Et puis on pourrait avoir les capacités de révoquer nos directeurs généraux si on le juge utile. On pourrait avoir la capacité de réduire les écarts de salaire, de revoir l'ensemble des grilles de salaire, de plafonner les revenus à deux fois le revenu de base ou deux fois le revenu de base. C'est une question de capacité politique. C'est une question de nombre, de conviction, de lutte, de lutte des classes, puisque puisque finalement les objectifs qu'on défend, c'est ils sont cohérents avec les besoins qu'on voudrait satisfaire. Et si on veut satisfaire un certain nombre de besoins, c'est qu'ils sont pas satisfaits. Et s'ils sont pas satisfaits, c'est qu'il y a des raisons. Et les raisons, elles sont sociales. Et ce qui caractérise notre société, c'est une division en classes, hein, de la société, avec des exploités, des exploiteurs et des exploiteurs qui se gavent. Là, il y a une lutte à Babou. Juste terminer un truc. Il y a à Babou, là, il y a une grève à Bagnolet. Non, ils sont. Ah, d'accord. Je reviendrai alors. Reste là. Parce que juste à un moment où là, t'allais nous parler d'autre chose. Tout ce que t'as dit jusque là, c'est hyper dans le sujet. C'est le. Des propositions pour maintenant, ou alors si c'est pas pour maintenant, pour quand? À quel rythme? Est-ce qu'il y a des étapes? Et ça concerne donc le rapport de force dont tu viens de parler. Hein, pour donner des langages entre ceux qui seraient ceux qui n'auraient pas participé justement à la règle du jeu, hein, ceux qui auraient été grillés dans les constitutions précédentes. Il y a des choses comme tout à l'heure, Alan, tu disais sortir de la compétition. Moi, j'ai ajouté un autre truc comme ça, très qui semble énorme, sortir de l'argent. Quand on dit 100 propositions nues debout qui vont être associées à des grands concerts, on peut rentrer dans des choses comme tu dis, c'est-à-dire augmenter le RSA ou le revenu de base, tout ça. Augmenter le pouvoir d'achat de 50 euros, pourquoi pas, c'est des revendications de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais ce n'est pas même au même, ça, c'est pas sur le même plan que sortir de la compétition, par exemple. Et donc, Nuit debout, ce qui est intéressant, moi c'est pour ça que je suis là, c'est qu'on est à la fois dans de la tambouille, dans le genre du revenu de base, puis aussi sur comment on passe vraiment à autre chose, sur du peut-être qu'on ne le verra pas nous-mêmes, comme ce sera les enfants qui vont manger ces châtaignes-là, quoi. Ouais, je relais justement parce que je pense que ce serait pas mal qu'on parle d'économie, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de propositions économie, écologie à travailler, démocratie à travailler, misère. Voilà, donc comme je vois qu'il y a des sujets économie, bah, je pense que c'est l'occasion de s'exprimer sur les sujets économie. Il y a deux sujets économie qui sont à Nuit debout, c'est revenu de base et création monétaire par l'État et non plus par les banques, qui est un gros sujet. La création monétaire aujourd'hui est portée par la finance, donc les banques qui gagnent de l'argent, et donc l'État s'endette, paye des intérêts et se retrouve endetté. Et donc il y a tout un débat création monétaire qui est porté par Gérard Fouché et d'autres qui montrent comment justement on est soumis à une espèce de puissance bancaire, une force bancaire. Donc la reprise de la création monétaire par l'État, c'est un enjeu ultra fort, ultra important, sur lequel il faudra qu'on refasse encore de l'éducation populaire, parce que c'est pas encore rentré dans les têtes. Hein. Je sais pas si vous savez, mais il y a Michel Rocard, avant qu'il meure, il a dit c'est con, on aurait pas dû laisser les banques faire la création monétaire en 73. Et après, il est mort dans genre éclair de génie avant. Donc il y a un énorme sujet et qui explique beaucoup de choses sur les problèmes économiques, la puissance de l'économie libérale, des fondamentalistes de marché, et donc ça c'est un sujet très important. Voilà, après il peut y avoir d'autres sujets sur le travail et sur l'économie et sur la monnaie. Pour apporter une contribution par rapport à l'économie, moi j'avancerai l'idée principale de se libérer du travail forcé pour aller vers le travail libre. Ce qui passerait par la fin du salariat. Voilà. Un objectif qui serait de se libérer définitivement du salariat et d'entrer dans un nouveau paradigme économique dans lequel justement ce qui bouleverserait complètement tout le système économique, puisque il y aura plus ce système de travail forcé. Et puis enfin sur la question de l'idée, quel est le but de toutes ces propositions, comme quel est l'objectif d'une constitution? Est-ce que c'est la stabilité sociale? Est-ce que c'est l'harmonie, etc.? Moi, je pense qu'il faudrait mettre vraiment au centre le bien-être des gens. Voilà. Que le but soit vraiment que les salariés ou les gens normaux, les simples citoyens, soient, disons, qu'on prenne soin d'eux et qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus de violence sociale, qu'il n'y ait plus de souffrance au travail, que vraiment ça soit la priorité des priorités, que les gens recouvrent une certaine forme de plénitude et de bonheur. Attends, mais reste avec nous, là tu te fais capter ton attention tout de suite par quelqu'un qui te parle, mais écoute-moi. Le bonheur, d'accord. Moi je veux bien l'écrire, bien sûr. Mais ce que j'aimerais qu'on arrive à faire dans ces ateliers auxquels je serai présent régulièrement, j'espère avec des Duc Pop, enfin tout ce qu'on est ici, là on est nombreux, c'est que là avant la fin de cette réunion-là, maintenant on arrête de faire, parce que c'est qu'un brouillon là, on n'a pas besoin de passer 2 heures, on va en prendre une et on va concrètement avec le micro, parce que pour le collectif, dès qu'on est plus de 10, c'est dommage, mais il y a le micro, on va retourner le panneau ou en prendre un autre, et puis on va commencer sur le sujet qu'on aura choisi. On va commencer à rédiger et on va voir. Hein, ça vous va? Comment est-ce qu'on peut choisir là-dedans? Là, on est simple, on n'est pas nombreux. On vote? Comment on fait? Moi, personnellement, je vais vous dire un truc. Ces propositions, elles m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'on va les associer à des événements, notamment des concerts, truc simple. Donc, il faut que... Ça va parler de Nuit debout. Donc, il faut qu'on choisisse quelque chose qui nous représente bien. Logement, alors. Mais ça, c'est un truc assez dur d'arriver à un petit paragraphe, je veux bien, hein, un petit paragraphe court sur comment Nuit Debout. Parce qu'on ne peut pas juste dire on veut des logements pour tous, sinon ça ne sert à rien. Donc, mais tu vois, c'est un truc assez dur, un petit paragraphe, je veux bien le faire, on faut se lancer là-dessus. Ouais. Mais réquisition aussi, c'est pas tout à fait innovant, c'est comment on le fait, quoi. Et ça, je pense que. Ouais. Non, mais constituer des comités, c'est déjà, ça y est, c'est parti, Nuit Debout, il y en a dans chaque ville, hein. Il y en a dans plein de villes. C'est petit comme ici, comme à Paris, mais il y en a encore dans plein de villes. Merci. Vous me parlez à deux, les gars, là. Merci. Ouais, de concret, pardon, j'ai pas écouté parce que tu me parlais, Mehdi. Travailler sur le logement après l'étape de la constitution, moi, ça me paraît une chose beaucoup plus importante parce que dans le pays, en fait, il y a énormément de gens qui souffrent et qui meurent à cause du mal logement ou du non-logement. Donc moi, je pense qu'avant de sortir du nucléaire ou de faire d'autres choses, il faut d'abord se concentrer sur le logement pour que ces personnes-là puissent sortir en fait du danger immédiat. Je crois que c'est ça, en fait, la plus belle chose à faire au niveau de la société. Non, merci, tu as raison, parce que je m'aperçois que l'ordre qu'on a, si on sort un ordre, je vais te donner le micro tout de suite, si on sort un ordre de nos propositions, ça veut dire que là, tel que je t'écoute toi, et ça me semble sensé ce que tu dis, vraiment, ça veut dire ce qui est la priorité de nos besoins, donc on part de nos besoins. Et ça va régler la question du pour maintenant, pour quand. Parce que nos besoins, les primaires, comme dormir, manger et tout, c'est pour ça que moi je pense à l'agriculture, parce que j'en ai personnellement très marre de m'empoisonner en mangeant, mais j'aimerais aussi avoir un logement, donc je veux bien prendre. J'ai proposé en rouge là. Pardon, hein, je te réponds pas directement, mais c'est dur à faire. Dans nos priorités, là, ça se tire la bourre entre la Constitution, qui semble une pierre angulaire, et le logement, qui est un problème qui sur cette place nous interpelle particulièrement. Parce qu'il y avait des gens avant Nuit Debout ici qui dormaient depuis longtemps. Mais personnellement, le logement, je le mettrais plutôt dans qu'est-ce qu'on fait au sens des actions Nuit Debout, plus que les propositions Nuit Debout, parce que pour sortir un argumentaire très court, percutant, qui soit intéressant à lire, parce que nos 100 propositions, si elles sont chiantes, bah voilà, il y en a, ça sera 100 de plus, tout le monde en a déjà fait 100 propositions. Donc moi, l'atelier que j'ai besoin, dont j'ai besoin, c'est celui, je vais sortir le panneau, je donne le micro à qui veut, le panneau pour commencer à écrire. Sur le logement, je vois propriété et transmission de la propriété. Ben voilà, la question elle est là. Nous sommes dans un système ultra-capitaliste et où l'idéologie dominante est la propriété privée, cette putain de propriété privée qui tue les gens, parce que les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un appartement, s'acheter une maison, eh ben ils payent un loyer excessivement cher un peu partout maintenant dans tout le pays. Donc le problème il est là. Changeons d'idéologie, arrêtons de vouloir être propriétaire, arrêtons cette idéologie poujadiste. Je me souviens, je n'étais pas née, mais dans mes études, j'ai appris qu'après la guerre, pour reconstruire le pays, il y avait ce qu'on appelait le mouvement des castors. C'est-à-dire, je ne sais pas, des gens ont peut-être vécu ça, je ne sais pas, peut-être Ulysse. Ou... Les castors, c'était des gens qui se mettaient tous ensemble pour construire la maison. Par exemple, je construis la maison de Camille, on est 20, on va construire la maison de Camille. Au bout de 3 mois, ben, ça va très vite, la maison de Camille est construite. Camille se joint aux 19 autres pour construire la maison de Kléber, etc., etc. Et les gens ont été relogés comme ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Il n'y a pas besoin de terrain très cher. Donc, il faut absolument se battre contre ça. Donc, il y a plein de moyens, la préemption des terrains, la préemption des appartements, etc. Et j'ai d'autres idées. Je me dis que si on avait des logements construits, des logements, comment on dit, construits par la collectivité, construits par l'État, eh bien, ces logements, ils devraient être attribués à vie aux personnes. Et puis, ils sont repris une fois que la personne est morte. Il n'y a pas besoin de reprendre le logement quand les enfants s'en vont. C'est terrible de dire à quelqu'un, tu rentres au logement maintenant, et il va se loger où? Surtout à Paris, surtout dans les grandes villes. Donc, on attribue un logement à vie à quelqu'un, et quand tu meurs, eh ben, on te reprend ton logement. Et on peut construire comme ça plein de logements, puisqu'il y a des terrains à Paris, il y a tout ce qu'il faut. Alors, à ce sujet, le DAL est au courant. Je voudrais vous informer qu'il y a 24 000 m2 la rue des Archives, derrière, tout près d'ici, qui sont inutilisés et qui ont été rachetés par un fonds de pension américain, Blackstone. Les fonds de pension font de la spéculation. Et au lieu de faire des logements sociaux ce qui avait été demandé à la mairie, qui devait racheter quand même une partie de l'immeuble mais qui ne l'a pas fait, parce qu'à Paris, la municipalité ne s'engage jamais dans le logement social, elle participe à la spéculation, et bien au lieu de faire des logements sociaux, ils participent à ces spéculations. Et cet immeuble est voué à accueillir des gens comme Europa, machin, des bureaux à la con, qui vont durer 3 mois, et au bout de 3 mois, on va les revendre. Et voilà, ils auront fait plein d'argent sur le dos des contribuables, puisque la municipalité ne s'est pas engagée à acheter. Voilà. Bon, ceci dit, il y a un gros problème, parce que le mètre carré est très cher à Paris, alors les municipalités n'ont pas forcément les moyens de racheter, hein. Mais elles peuvent faire d'autres choses. Elles ont d'autres moyens de s'approprier les immeubles et les terrains. Voilà. Merci beaucoup. Je te passe le micro, Adèle, juste pour dire, sans proposition, il peut y en avoir plusieurs sur le logement. Parce que là, on voit que dans les propositions, on est assez concret, je trouve, que ce soit la propriété, et donc avec un vaste programme qui concerne sans doute la Constitution, l'autoconstruction, y compris en ville, y compris en bousculant les autorités ou pas, ça dépend comment on fait, mais en tout cas, faut se loger, ça c'est sûr. Donc, ouais. Oui, pardon, j'ai zappé ça. Il nous faut 2-3 micros. Il spécule avec le logement social, qu'il soit Paris Habitat, qu'il soit la Sablière, qu'il soit normalement ces logements-là, il est tribué pour les gens. Et une fois ils habitent, allez, on va dire raisonnablement, s'ils payent la loyer pendant 10 ans, mais à la fin, le logement appartient à la personne où il habite. Ou c'est lui qui habite là-dedans. Parce que car nous, on paye, tout le monde y paye le logement social, tout le monde. Il y a l'important patronal, il y a l'État aussi qui jette l'argent pour faire des projets. Et justement, et c'est comme ça qu'on installe les chalems. Voilà. Normalement, ça appartient à tout le monde. Voilà. Ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas pour générer de l'argent. Normalement, ça doit être équitable pour les charges. Voilà. Ce n'est pas pour bénéficier de l'argent, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Oui, moi je voulais répondre par rapport au logement à vie. Pour moi, c'est pas du tout une bonne chose en fait. Pour moi, le logement à vie, c'est pas du tout une bonne chose parce que ça veut dire que les gens ils bougeraient pas. Enfin, moi je suis plutôt dans. Oui, mais du coup, s'ils veulent bouger, il se passe quoi? Ils l'échangent contre quelqu'un d'autre? Enfin, j'ai du mal à. Non, mais attends, est-ce que tu veux. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les virer d'un logement. D'accord. Ok. Non, mais c'est ça, je comprenais pas. Et. Ouais, je voulais proposer aussi la généralisation des squats ou des ZAD en fait. Donc que ce soit donc les squats en ville et puis les ZAD en province, enfin en province, plutôt en campagne. Voilà, si. Oui. Autoriser la création de ZAD en campagne et favoriser les squats aussi en ville pour que les gens puissent circuler et se rencontrer aussi là-dedans. Alors bonjour à tous et bonsoir à tous. Je vais profiter de bonne occasion parce qu'on a parlé de logement, c'est malheureusement c'est rare mot. Là, on a pris la nouvelle à Villejuif, je ne sais pas loin. Il y avait un couple d'une dame de 50 années et un monsieur de 60 années. Ils ont reçu des menaces de quitter le lieu, comme qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur loyer. Et c'est un suicide. Il y a 2 personnes qui sont suicidées à Villejuif. Là, il y a 4 familles dans le 11e arrondissement. Là, il faut qu'ils quittent le lieu avant la fin du mois. C'est des menaces officiellement. D'accord. Il y a 4 familles dans le 11e arrondissement. Il y a une famille à Villejuif. Et c'est un suicide. Il faut qu'on fasse quelque chose au moins de penser à eux. Et je vous remercie beaucoup à tous. Par rapport au logement, alors je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la crise du logement, c'est vraiment une crise considérable et énorme. Et ça devrait être une priorité vraiment numéro un. Je me rappelle Jospin qui parlait de zéro SDF. Ça, c'est un truc qu'on a oublié, mais malheureusement qu'on a oublié. Et aujourd'hui, je pense que par rapport à la crise du logement, il y a 2 stratégies. Soit, parce que en fait, le problème, c'est que la crise du logement se pose principalement dans les grandes villes. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc du coup, comme il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, donc les prix du logement sont énormes. Donc pour sortir de cette situation, il y a deux solutions. Soit on construit massivement du logement social. Alors l'idée, ça peut être de dire on va vendre les HLM aux locataires des HLM et avec cet argent-là, on va construire des nouveaux logements. Mais moi, je suis contre ça parce que ça, sur le plan écologique, ça veut dire on va faire du bétonnage. Donc pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Pour moi, la solution, c'est de trouver un moyen pour que les gens arrêtent de venir s'agglutiner dans les grandes villes. Parce que c'est ça le problème. Et donc pour permettre ça, pour faire en sorte que les gens quittent les grandes villes et se propagent dans l'espace de façon beaucoup plus équilibrée, j'en reviens à l'idée de sortir du salariat. Parce que dès lors qu'on met en place le revenu universel, les gens n'ont plus de raison de venir s'agglutiner dans les grandes villes. Et donc du coup, je vous laisserai la parole après, si vous voulez bien. Et donc du coup, ça va désenclaver les grandes villes, et donc les gens vont retourner à la campagne, dans des éco-villages, etc. etc. Et les prix de l'immobilier dans les grandes villes va s'effondrer, du coup. Donc moi, je pense qu'il faut plus aller vers ce chemin-là pour résoudre la crise du logement, plutôt que de faire du bétonnage qui, sur le plan écologique, pour moi, est catastrophique. Ouais, pour que les gens ils aillent à travers la France, il faut qu'il y ait du travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leur... Allez-y dans le centre de la France. Il y a tout le monde qui quitte parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. On leur a enlevé le travail aux gens. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils fuient de leur ville, de leur village. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, c'est très bien beau de faire partager... Voilà. Il a dit s'il n'y a plus de salariat. Non, oui, pardon. Non, mais bien sûr, on est d'accord. Enfin, il me semble. Je vais te donner le micro. Juste parce que je voudrais que, avant que la nuit arrive... qui d'elle-même donnera un terme à cet atelier d'écriture collective, ayant choisi le logement, il semble-t-il, comme sujet, pas forcément qu'on va mettre en priorité, même s'il semblerait que ça soit peut-être pas loin d'être le cas. Pas que ça siffle, attention. On peut commencer à écrire une proposition, même celle avec laquelle tu serais pas d'accord ou avec laquelle tu serais pas d'accord, pour aller au bout de l'écriture, et je m'aperçois, bon, il faudra qu'on en parle, mais je m'aperçois que ce travail de rédaction collective va faire qu'à un moment donné, sans doute qu'en assemblée, c'est ma proposition là, qu'en assemblée, on dira oui ou non à telle proposition bien structurée en très peu de mots. Très très peu de mots, c'est important, même quand c'est dur. À qui, qu'est-ce que je devais faire? Oui, donc écrire. Qu'est-ce qu'on prend comme proposition? Il y en avait quoi comme proposition sur le logement? On avait zéro SDF. Bon, ça c'est plutôt un slogan, mais je l'ai mis en rouge parce que ça me semble vraiment la priorité. On peut avoir ça. On peut dire qu'une proposition de nuit debout, c'est, puisque j'ose pas la faire, on peut le faire aussi. Zéro SDF. Après, comment on y arrive? C'est là où on va commencer à se disputer entre nous. Attends-moi. On va commencer peut-être à être pas d'accord ou pas assez d'accord. Je redis. Zéro SDF. Ce qui veut dire il y a invirabilité, autoconstruction, logement à vie, c'est la même chose que invirabilité. Je suis désolé, mais invirabilité et propriété, ça va tellement ensemble qu'à chaque fois on revient à la Constitution. Vous avez choisi un sujet hyper prioritaire, mais assez dur en termes de se mettre d'accord. Antoine. Après c'est la forme, mais il y a deux trucs qui ont été dits, c'est quand même réquisition des logements vides, moi j'ai entendu, et j'ai entendu attribuer les logements à vie, et qui correspond à, un logement pour tout le monde à vie. Voilà. Et ça peut être ça, quoi, logement, un logement pour tout le monde à vie. Attends, je vais te le donner vraiment, je te fais attendre, mais j'essaie d'avoir une continuité un peu collective. Je vois qu'il y a une attention soutenue de gens qui participent peu, mais qui écoutent attentivement. Réquisition et logement à vie, ça peut être ensemble, ça pourra être ensemble dans le petit paragraphe qu'on va finir par faire, mais rien que réquisition, ça on peut le mettre en très peu de mots. Et finalement, on sera peut-être tous d'accord que c'est une chose, ça m'étonnerait qu'on soit pas d'accord, mais on peut donc au moins commencer à l'écrire. Merde, c'est pénible, pardon. Qu'est-ce qu'on... Réquisition, ça tient... Plus moins il y a de mots, mieux c'est. Donc réquisition, pour moi, ça tient en un seul mot. Je vois pas trop pourquoi on s'embêterait à faire un long pitch. Réquisition. Non, mais parce qu'une fois qu'on le met... Imaginez que Bernard Lavillier vient chanter ici pour réquisition et qu'on est à nouveau 10 000, 100 000, etc. Il y a 8 mois, là, on était une sorte de force étonnante avec notre nombre qui nous permettait de tout faire. On ne l'a pas fait. Mais ça va peut-être revenir d'être très nombreux, parce que notre force, c'est le nombre. J'ai l'air de m'égarer, mes réquisitions, je vois pas quoi rajouter. Bon, alors je pense que le problème est bien plus vaste de ce qu'on imagine. Il ne se limite pas au logement. C'est très, très complexe et très large. Les gens qui tombent dans la rue, ils ont des origines différentes, et la misère est tellement importante que je pense qu'il faudrait créer un ministère de la misère. Voilà comment fait le ministère du travail. Je porte un esempio, juste à titre d'esempio. À Copenhague, ils ont résolu le problème en ouvrant un lieu militaire, un site militaire, je crois qu'il s'appelle Christiana, quelque chose comme ça, et ils ont tous les marginaux, tous les gens qui n'avaient pas de toit, les gens aussi qui n'avaient pas où se réunir, etc., on leur a donné en gestion par eux-mêmes l'ensemble du site militaire. Ils l'ont occupé. Il est libre, il est ouvert. Évidemment, il y a beaucoup d'inconvénients parce qu'on peut dire que c'est un ghetto. On peut toujours critiquer. La perfection, on n'y arrive pas. Mais prendre à bras les corps les problèmes de l'éducation, parce que c'est fondamental pour les gens qui tombent dans la rue. Ils perdent l'usage de la parole. Ils perdent l'usage de la relation humaine. Il n'y a pas que le toit. Le toit, c'est logique, c'est minimum. Mais partir sur une idée SDF 0, ça me semble vouloir faire trop pour pas grand chose. Il y a eu déjà. On a déjà fait avec M. Hirsch, si je ne me trompe pas, la loi Dalo. Les intentions sont très bonnes, mais on ne peut pas vivre, continuer à vivre des intentions. Il faut passer à l'action. Et l'action, c'est dire c'est un problème national de base et il faut déjà statifier les statistiques, prendre les niveaux auxquels ces gens se trouvent et tout ce qu'il faut apporter. Il y a des individus que seulement si on leur donne un tuteur, un assistant personnel, qu'on peut sortir du problème. Et autrement, on continue à laisser courir faire des petites rustines comme dans toutes les choses qu'on fait aujourd'hui, dans la réforme de l'école, etc., des petites Roussine, j'ai dit, pour passer le temps et aller outre. Ils s'occupent des choses plus importantes pour eux, mais pas pour la réalité. Zéro SDF peut être une injonction antisociale, parce qu'il peut y en avoir qui se trouvent bien dans la rue. Avoir l'illusion qu'on peut réduire les défauts de l'homme, mettons comme la corruption, etc., à zéro, ça n'existe pas. La mafia, on ne se débarrassera pas. La corruption, on ne s'en débarrassera pas. Donc il faut savoir accepter des voies moyennes, mais c'est surtout s'attaquer au problème à fond, à bras les corps, et pas laisser tomber. Voilà, merci. Je crois qu'on est d'accord avec toi là sur ce sujet-là. De rien, on a avancé. Moi, je trouve, j'ai baissé les bras en disant « bon, réquisition, ça suffit ». Non. T'as raison, ça peut être très précis et ça peut devenir un pitch très court et on n'aurait pas bossé pour rien aujourd'hui. Réquisition citoyenne des locaux inoccupés, c'est très court, mais ça ouvre grand des choses. Moi je trouve, si Nuit Debout soutient, décidé, ça pourrait être, je dirais, validé au fil de nos assemblées. Hein, c'est pas avec un petit atelier comme ça qu'on va dire « ouais, Nuit Debout a dit ça ». Mais si on arrive à être d'accord sur une formulation aussi courte, ça veut dire que toute personne qui rentrent dans un immeuble pour y loger ceux qui en ont besoin, quand je dis toute personne au pluriel, ben on est avec eux quoi. Enfin pour moi je vote pour ça, il n'y a pas de problème. Non, si toi, ah oui, mais réquisition, d'habitude qui? D'habitude qu'est-ce qu'elle fait, Cécile Duflot, quand elle est ministre du logement après avoir promis ça pendant 1000 ans? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle ne le fait pas parce qu'ils entendent dans leur esprit que la réquisition c'est par la préfecture, selon des normes, etc. C'est assez long. C'est assez long, surtout il faut mettre aux normes et faire un appel d'offres pour, etc. Voilà. Donc je ne suis pas contre les appels d'offres, mais je suis surtout pour qu'on dorme quelque part au chaud. Et ça peut être vite. Citoyenne, ça veut dire ça. Voilà. Et locaux inoccupés, ça va de soi, mais parce que ça veut dire aussi pas que les logements, tout ce qui est inoccupé et où il ne pleut pas dedans. Oui, pardon. Je vois que dans vos propositions, ça ne parle pas d'éducation. Je pense que c'est... Ah bon? Ah, je peux? Ouais. Non, parce que je vois que ça parle pas d'éducation. Ah, je sais pas. Alors, vous vouliez rester. Je sais pas. Hein, peut-être que je peux. Donc voilà. Bon, Le problème de l'éducation, c'est super important. Il y a plein de choses à faire au niveau de l'éducation, en particulier supprimer les notes, parce que les notes, ça encourage la compétition et l'égoïsme. Alors que normalement, dans l'éducation, ce qu'il faudrait encourager, c'est le partage et l'égalité, quoi. Voilà. Ouais, sortir de la compétition dans l'éducation. Mais je pense qu'on pourrait même une proposition sur l'éducation, parce que l'éducation, c'est quand même un... Parce que là, tu es en train de me mettre dans une proposition, sortir de la compétition, tu mets l'éducation, mais je pense qu'on pourrait même créer une proposition pour l'éducation, parce que c'est quand même un gros truc, l'éducation, c'est super important, c'est primordial même, c'est là qu'on forme les citoyens, c'est là qu'on apprend, parce que là, on apprend qu'à être des simples consommateurs, etc., alors qu'on devrait apprendre à être des citoyens. Comme disait Aristote, le citoyen, celui qui est capable d'être gouverné, mais aussi de gouverner. On n'apprend pas à gouverner, on n'apprend pas à s'impliquer dans la citoyenneté, dans les affaires de l'État, dans les affaires de la démocratie, de local, etc. Tout ça, on devrait l'apprendre à l'école dès le plus jeune âge. Enfin, par exemple, aussi par des assemblées à l'école, créer des assemblées, des petites assemblées à l'école, apprendre déjà à voilà. Oh, ok, non mais c'est voilà, je très bien, je suis un peu trop long, ok, bon bah très bien. Pas beaucoup, tu vas le revoir le micro, t'inquiète pas, mais c'est vrai qu'il faut réussir à être court, ce qui est dur. Moi aussi j'ai du mal à être court. C'est pas grave, il y a pas de faute. Je t'ai mis là, peut-être que je vais souligner en rouge. T'inquiète pas, tout va bien. Pourquoi je l'ai mis là dans l'éducation? Attends, je suis un fil là, excuse-moi. Tu disais, tu parlais de l'éducation et tu disais sortir de la compétition, des notes notamment. Alors je t'ai mis avec sortir de la compétition parce qu'effectivement, attends, laisse-moi finir s'il te plaît. On en était à réfléchir pour maintenant, pour quand les propositions. Et on se disait qu'il y avait des propositions d'ordre finalement assez, oui, merci, assez philosophiques. Assez lointaine, qui relève effectivement de l'éducation. Et sortir de la compétition que proposait Alan, qui est sans doute, je pense que c'est assez partagé, par pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ici en tout cas. Sortir de la compétition, c'est vrai que c'est sur du long terme, forcément, que sur du long terme, donc ça concerne l'éducation. Donc oui, l'éducation, tu as raison d'en parler. Et si tu veux, je marque juste éducation, ou précisément, dis-moi ce que tu veux écrire. En fait, je faisais la remarque, c'est que en fait, l'éducation, c'est une proposition à elle-même, c'est une proposition importante. C'est pour ça que Camille, a priori sur la chose sur laquelle je suis pas d'accord avec ta façon de présenter la chose, hein, mais il n'y a rien de grave, c'est pas toi. Hein, c'est juste pour dire que l'éducation, c'est une proposition en elle-même. L'éducation, c'est un gros sujet. Donc j'irais en 6, par exemple, en 6e proposition, l'éducation, quoi, tu vois. Et après, 2 points, et on met sortir de la compétition. Il y a plein de choses. L'éducation, c'est plein de choses, quoi. Apprendre à tout ce que je disais un peu, là, j'ai commencé à dire des choses, mais voilà, je suis pas tout seul, quoi. Je pense que dans l'éducation, il y a plein de choses à proposer, voilà. Donc, je disais que l'éducation, ce soit une proposition en elle-même, quoi. Ce soit une proposition. Parce que l'éducation, voilà, il y a les notes, il y a qui encourage la compétition. Il y a aussi le fait qu'on est éduqué à consommer, à écouter un prof bêtement, etc. Alors qu'on devrait apprendre aussi à s'investir, à s'investir dans la citoyenneté, dans les affaires politiques, etc., etc. Tout ça dès le plus jeune âge. Voilà. C'est pour ça que je te disais, est-ce qu'on peut pas mettre une proposition qui serait l'éducation? Voilà. Ce serait 6, par exemple, l'éducation. Voilà. C'est tout. Après, je ne veux pas monopoliser encore la parole. Voilà. Tu es très précieux, au contraire. Moi, je rejoins complètement Khaled. L'éducation est un point fondamental. Et les maîtres en la matière, à mon avis, ce sont les Grecs, notamment les Grecs de la Grèce antique. Oui. Donc, pour revenir aux Grecs qui sont les pères de la démocratie et le rapport à la loi, les Grecs décident, en créant la démocratie, qu'il n'existe pas de vérité immuable et que la vérité relève d'une discussion, d'un débat, d'une convention, d'un consensus. Et donc, à partir de là, dans l'éducation grecque, la parole, l'usage de la parole, devient un élément fondamental pour faire vivre la démocratie, puisque la loi repose justement sur la parole, et la citoyenneté repose sur la parole. Et donc, notamment chez Aristote, l'enseignement dans le lycée se fait par en marchant et en discutant. C'est comme ça qu'Aristote éduque ses élèves. Et Aristote était le maître, notamment, d'Alexandre, le Grand. On pourrait se référer aussi à Platon, à Socrate, etc., qui mettent l'usage de la parole au premier plan. Voilà. Ensuite, lors de la Révolution française, c'est un peu la même chose qui se passe en France. La loi ne repose plus sur les écritures ou des textes religieux, mais repose sur le savoir, sur la raison. Bon. Et donc, à partir de là, notamment à partir de Jules Ferry, la transmission des savoirs se fait principalement par l'écriture. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser ça et remettre l'oral, retrouver un équilibre entre l'oral et l'écrit. Aujourd'hui, on dit qu'il faut apprendre à écrire et à lire, mais moi, je pense qu'il faut surtout apprendre à parler et à dialoguer. Donc voilà, apprendre à nouveau à parler et à dialoguer. Donc, établir un équilibre. On a vachement bien bossé, on est arrivé à ça. On aura d'autres propositions sur le logement, d'autres angles. T'as bien noté, c'est un atelier d'écriture. Mais on peut lui dire à lui, mais on peut le dire à toi, vous étiez tout passionnant, il n'y a pas de problème, on a le temps, on a le micro, on est ensemble. Moi je suis très content d'être arrivé à ça, au moins je crois que je suis pas venu pour rien, et puis peut-être que la prochaine fois on va le valider, que ça va se retrouver en réquisition citoyenne des locaux inoccupés, si on se mettait d'accord là-dessus. Je pense que c'est bien, on va faire une synthèse, on va essayer de le publier. Je pense que ce serait pas mal d'en faire un deuxième, parce que là on a parlé de pas mal de choses. On n'a pas beaucoup parlé d'économie, je pense, quoi. On a parlé de revenus de base, création monétaire, mais peut-être qu'il y a d'autres choses sur l'économie, hein, peut-être. Ou même du salariat et du travail, parce qu'on a finalement on n'a pas tellement parlé du travail. Donc ce serait pas mal qu'on refasse un truc. On n'a pas du tout parlé des discriminations, hein. On n'a pas parlé de. Des féministes, qui étaient quand même là. On n'a pas parlé du racisme. On n'a pas parlé des migrants. On n'a pas parlé de parité aux femmes. Donc je pense qu'on pourrait refaire un atelier comme ça la semaine prochaine. C'est pas mal de. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal de faire une synthèse et puis d'avancer progressivement sur le sujet. Quoi, je sais pas. Moi, je suis Camille. Hein. Ils doivent y aller. Je crois qu'ils doivent y aller. Oui, bah, pour faire le lien avec l'économie, parce que l'économie, parler de l'économie en soi, non, il faut faire des liens. Eh bien, moi, je vais faire un lien avec le logement. Vous savez que la caisse d'épargne était à l'origine gérée par la caisse des dépôts, où l'argent que les gens déposaient était utilisé pour créer des logements sociaux. Or, aujourd'hui, le taux de la caisse d'épargne a beaucoup baissé et l'argent n'est plus utilisé à la création des logements sociaux depuis 3-4 ans. Hein, et 2 ans pour sûr, mais ça avait déjà commencé. Donc voilà, ça c'est un lien, c'est de l'économie ça. Et ça a un lien directement avec le social et la création de logements sociaux. Donc on parle d'économie quand on parle de logement. Merci beaucoup. Sur ce genre de dispositif où il y a un micro, une enceinte, voire plusieurs, quand ça sera des grandes assemblées, ça sera pareil. C'est un boulot de le faire, c'est-à-dire de tenir le micro. Il faut savoir s'arrêter quand on a l'impression qu'on a fait le tour. Mais si par contre vous avez vraiment des choses à dire... Ah pardon, je veux pas, moi je veux couper le stifler à personne, au contraire. Mais il faut savoir couper le petit bouton. Et se dire que... Donc on a dit quoi la semaine prochaine? Atelier d'écriture, des 100 propositions, ça serait donc vers quelle heure? Quel jour? 17h? 17h le dimanche? Ok, 17h le dimanche. Merci beaucoup. Pas de regret, si, il y a un regret, je sens, non? Non, non. Juste, je profite pour dire aux gens qui sont là que du Pop, on fait aussi un atelier tous les vendredis soirs de 18h à 20h sur quelle société veut-on. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que nous, on est vraiment dans une vision utopique, c'est-à-dire dans quelle société on aimerait vivre. Donc l'idée, c'est que dans la première partie, on va définir dans quelle société on veut vivre. Donc on imagine vraiment des choses qui n'existent pas. Et la deuxième partie de l'atelier, ce sera comment est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour y arriver. Donc c'est pas tout à fait la même démarche. Vendredi, de 18h à 20h. Ici, sur la place toujours.